volcan. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne aux pluies d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales.